I am Dracula. Listen to them. Children of the night. What music they make. L'heure du loup. Le meilleur des musiques sombres sur Osmose Radio. Bonsoir à tous, chers amis, il est 18h passé de quelques minutes, vous êtes toujours sur Osmose Radio, votre web radio préférée, et c'est l'heure du loup qui démarre. Alors, pour une fois n'est pas coutume, on va parler d'autre chose que de musique. D'habitude, je vous présente votre playlist hebdomadaire de rock et de new wave, un petit peu métal, un petit peu de folk, et autant de sujets sombres comme les musiques qu'on aborde ensemble chaque semaine. Mais ce soir, ce sera un petit peu différent, Festival d'Avignon oblige. J'ai invité deux compagnies qui sont venues nous entretenir de leur projet, mais qui rejoignent les thèmes qu'on a l'habitude de traiter ensemble en musique d'habitude, à savoir donc l'amour, la mort, le stupre et le vice. Et alors, pour nous mettre un petit peu dans l'ambiance, eh bien, de cet univers du cabaret qui se prête justement à ce genre de thème et qu'on a déjà abordé un petit peu ce matin sur Osmose Radio, eh bien, je vous propose de continuer et de nous mettre tout de suite dans l'ambiance avec The Deadfly Ensemble et le titre Criminal Tango. Sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller. Und sagt, mein weißer Baby, wenn ich aufs Ding, machst du dich. Dann bestellt zwei Manhattan und dann kommt Herr mit Kneife. Jack trinkt aus und Baby zählt. Doch dann löscht sich schnell das Licht. Criminal Tango in the Taverna. Shadows that linger dance in the lamplight. Evening to evening. Fragen die Kapelle, haben sie nicht, was heißt es da? Denn sie können ja nicht wissen, was dazwischen Tag und Morgen in der nächtlichen Taverne bei dem Tango schon geschah. Sie tanzen einen Tango, Jackie Brown und Baby Miller. Und die Kripo kann nicht finden, was daran verdächtig wäre. Hört der Herr da mit dem Kneifer, dämmt der Schuss im dunklen Gold. Vielleicht noch etwas sagen, doch der Herr sagt nichts mehr. Criminal Tango in the Taverna, shadows that linger, dance in the lamplight. l'instant The Dead Fly Ensemble, le groupe de Lucas Lantier qui nous avait régalé de quelques perles comme ça, cabaret punk dans les années 2000 notamment, et c'était Criminal Tango. Alors pour l'anecdote, c'est pas du tout une composition originale, c'était une reprise d'un titre qui avait cartonné en Allemagne dans les années 50. Me demandez pas le groupe qui avait fait la version originale, je serais bien incapable de vous le retrouver, mais à l'instant on vient d'écouter la version beaucoup plus récente de Lucas Lantier, The Dead Fly Ensemble. Vous êtes bien de retour dans l'heure du loup sur Osmose Radio, cher ami, et ce soir, donc, comme je vous le disais tout à l'heure en introduction, on va aborder un petit peu des thèmes qu'on n'a pas l'habitude d'aborder dans l'émission, mais que dans lesquels on vous plonge, on vous berce depuis le début du mois sur Osmose Radio. Ce sont les représentations théâtrales qui se trouvent au festival et dont vous pouvez profiter. Et vous avez, c'est rien de le dire, vous avez l'embarras du choix. Et je vous propose de nous plonger dans un univers. Alors tout à l'heure, je plaisantais en parlant de stupre et de vice, évidemment, mais dans un univers gentiment sensuel et sombrement décadent. Il s'agit du spectacle de cabaret. Alors ce matin, pour ceux qui suivent Un œil en coulisses, hein, je vais vous parler de Janowski qui lui présente un spectacle de cabaret beaucoup plus old school mais très très intéressant parce que c'est un sacré interprète. Et bien c'est un autre aspect de cet univers là que j'ai envie de vous convier ce soir avec le cabaret burlesque Babylone. Bonjour. On n'a même pas besoin de machine à jingle. Hein, ben, ce gars-là nous fait les jingles à la bouche. C'est des jingles burlesques, toujours. Ah d'accord, c'est old school, c'est fait à la main, avec les aisselles et avec la langue. Et donc on reçoit alors la maître d'œuvre, si j'ose dire, de ce projet-là, c'est Julie Kwan. Bonjour. Coin, voilà. Comme on veut, mais peu importe. C'est pas comme Coin, dis donc. Ça commence fort. Eh ben oui. Donc nous, en fait, c'est Burlesque Babylone. C'est un cabaret rock'n'roll que vous pouvez retrouver au Théâtre de l'Ange à 22h15. Et alors, comment résumer Burlesque Babylone? Bah, c'est rock, c'est roll, c'est bur, c'est lesque, c'est rock'n'roll, c'est burlesque. C'est une expérience. Voilà. Je pense que c'est un des spectacles les plus surprenants de cette année. Les gens viennent et ressortent... Changés. C'est ça, c'est une métamorphose. Oui, choqué, évidemment, on a la chance de temps en temps de perdre un rang. Voilà, disons qu'il n'y a pas les codes du théâtre classique, puisque c'est un cabaret, et donc ce sont des numéros. Et en fait, c'est notre première année sur Avignon, on a voulu présenter un spectacle best-of de la compagnie. Ça fait 4 ans que Burlesque Babylone existe, on est principalement basé sur Paris. Et on s'est dit, tiens, Avignon, qu'est-ce qu'on va faire? Et ben, on va montrer qui on est et c'est quoi notre burlesque. Voilà. Puisqu'on est unique en France, je pense, la façon dont nous, on aborde les feuillages burlesques, le cabaret, la danse, le théâtre. Et c'est comme une sorte de grand huit émotionnel. Voilà. On est trois, deux filles, un maître de cérémonie. Donc ça fait beaucoup de possibilités. Mais le maître de cérémonie, c'est Feuille également. S'envole à la fin avec une personne du public, mais ça c'est la fin, il faut pas spoiler. D'accord. Là tu t'es vendu tout seul, mon gars. Là. Donc oui, on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. C'est vrai. Alors l'effeuillage burlesque, je suis pas trop d'accord avec vous. C'est quand même quelque chose qui progresse, dont la connaissance progresse, ne serait-ce que par rapport à des fameuses têtes d'affiches comme on connaît tous Dita Von Teese, par bien exemple. Bien sûr. En France, on a Juliette Dragon aussi qui a fait beaucoup qui a fait beaucoup de stages, notamment qui sont toujours complets. D'ailleurs, elle en fait régulièrement dans la région. Donc effectivement, vous plongez dans cet univers-là. Vous le réinterprétez à votre sauce, mais pour autant, c'est vrai que je comprends qu'il y ait des gens qui viennent vous voir, qui soient un petit peu désappointés ou un peu surpris. Mais en même temps, bon, vous êtes assez explicite sur le flyer, etc. À quoi s'attendait-il, hein, C'est sûr. Après, c'est vrai que nous, il y a toujours du fond. Il y a une écriture commune vu qu'on a un vrai travail de troupe et qu'on est comédien aussi avant d'être performeur. Donc forcément, on travaille ensemble et on va aller dans tous les sujets. C'est-à-dire, on n'a aucune censure. On va tout aborder. Je pense qu'on est toujours juste dans le sens que ce qu'on fait n'est pas vulgaire. Après, il est provoquant, mais on a toujours cette limite un petit peu poésie décadente qui sera toujours un peu présent. Voilà, un petit et peu comme ça. On joue avec la limite, on la dépasse, hop, on revient. On est toujours très border. Voilà. C'est un sacré. Vous êtes en train de me dire que c'est un sacré bon spectacle, bordel de merde, quoi. Vous êtes grossier, mais pas vulgaire, quoi. Voilà, exactement. On a toujours quelques réserves, mais bordel, fait chier, qu'est-ce qui déchire ce spectacle. Voilà. Non, et puis le fait aussi, c'est que la sélection musicale, on est quand même principalement métal et rock. Donc forcément, ça peut beaucoup surprendre. Même si au final, on a quand même un peu de swing, de jazz, d'électro. Oui, c'est très varié. C'est vrai qu'on est très, très rock. C'est d'un tableau sur l'autre, c'est à chaque fois un univers variée et contrastée dans la lumière, dans la couleur, dans les costumes aussi, parce qu'il y a beaucoup de costumes, ouais. Vous l'imaginez. D'ailleurs, on travaille beaucoup au niveau métal. On a bossé à Winterburst, Cadaveria, on a bossé avec Undercover Slut, en groupe, voilà. Ça, donc, ça me dit rien, celui-là. Quoi qu'il en soit, oui, alors, comme je disais tout à l'heure, tu es le maître d'œuvre de ce projet de spectacle-là, au sein de la compagnie Vaudeville. C'est ça. V-O-D-E, alors D-E-V-I-L, hein, comme Deville le diable. C'est ça, jeu de mots, exactement. Et V-O-D, vidéo à la demande. Voilà, donc peut-être que ça viendra le jour où vous aurez un DVD. Pour le moment, j'ai rien vu sur votre site internet. Mais tu pourras en parler si tu veux faire de la promo en fin d'émission. Pour le moment, j'aimerais savoir comment vous vous êtes rencontrés. Alors, notamment toi et Claire. Alors, toi, c'est curieux parce que tu as une formation d'ethnologue à la base. Oui, c'est ça. Oh mais est-ce qu'il y a un, c'est bien. Est-ce qu'il y a un travail, est-ce qu'il y a un travail sociologique à faire sur le public quand tu fais un spectacle? Il faudrait. En fait, on a, à Avignon, on a vraiment de tout. On a des personnes âgées, on a des jeunes, on a des trentenaires. Mais principalement, on se rend compte quand même que les générations qui vont être les plus réceptives à ce qu'on fait, c'est de 30 à 50 ans. Quoi. Parce qu'il y a beaucoup de références sur la culture geek, cinéma, fantastique, jeu de rôle, qui est vraiment importante. Et forcément, ça parle plus, je pense, à ces générations-là. Quoi. Tout le monde peut venir. Ils sont plus libérés, que cette catégorie socio-professionnelle est plus libérée, a envie de plus d'émancipation que la tranche avant, type 20, 30 ans. Finalement. Oui, curieusement, oui, hein, c'est vrai, voilà, c'est ce que j'ai observé aussi. et en fait, tu collabores donc avec ta collègue Claire, qui ne peut pas être là ce soir, qui, elle, a une formation de chimiste. Voilà. Alors là, franchement, vous venez de parcours assez différents, et elle, je la soupçonne, du coup, bah, de mesurer les taux de phéromones dans l'atmosphère. De faire des expériences. Voilà, c'est ça. Voilà, donc, non, mais en fait, on a des parcours tous un peu différents, et c'est ça aussi qui fait que c'est important sur scène, et qu'il y a une osmose qui se fait. Voilà. Parce que, en fait, avant tout, dans le burlesque, c'est une affaire de caractère et de personnalité. Et donc, chacun, en fait, apporte qui il est sur scène. Et ça fonctionne bien parce que même si tu disais, je suis le maître d'œuvre, c'est moi qui ai mis en place Burlesque Babylone et je garde effectivement un œil sur le tout, mais chacun a sa place et chacun apporte vraiment qui il est. On a et c'est un ça droit qui de est veto. Important. Un droit. Non, mais tu dis que des bêtises. Alors, on a un droit de refuser 90% voilà. Des propositions de Sylvain. C'est ça. Moi, c'est ma place. Je suis là pour donner des idées à refuser. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup. Elles sont toutes bonnes, mais en avance ou en retard, ça dépend. Mais c'est un métier, mon petit monsieur. Merci. Ça. Merci. Et en tout cas, écoutez, on va se replonger encore un petit peu plus avant dans cet univers avec un groupe qui avait cartonné dans les années 2000, qui n'existe plus maintenant, mais Amanda Palmer a fait encore autre chose. On en reparlera tout à l'heure. C'est les Dresden Dolls avec le titre Girl Anachronism. Don't believe that you're immune to gravity and stuff. Don't get me wet because the bandages will all come on. You can tell from the smell at the state that the current state is critical. But is the little thing fine sense? The time it takes to break it, she could make up 10 excuses. Excuse her for the day, it's just the way the medication makes her. I don't necessarily believe there is a cure for this. So unlike 20th century, that only is a doubtful guess. I was too precarious, removed as necessary. You don't have to worry. Palmer, Amanda Palmer qui s'époumonnait dans son ancien groupe, les Dresden Dolls, c'était en 2004 je crois sur leur premier album éponyme. Et depuis elle a fait d'autres projets, elle s'est mariée avec l'auteur de Sandman, j'ai plus son nom, elle a fait Evelyn, un petit projet acoustique assez intéressant. Et Brian Villion, lui, son ex-amoureux, son ex-compagnon au sein de ce groupe-là, tous les deux ils étaient mignons parce qu'ils avaient ce maquillage de poupée de porcelaine, ce look de mime, etc. C'était vraiment trop mignon tous les deux. Et puis ils ont fait de belles choses le temps qu'ils étaient ensemble à la scène comme à la ville. Je vous retrouve, chers amis, dans l'heure du loup. Et ce soir, on parle un petit peu de théâtre. Le cabaret. J'ai couru un petit peu, je m'excuse. Alors du coup, je suis un peu essoufflé. Et pardonnez-moi. Et donc, on parlait de cabaret, disais-je, avec la compagnie Cabaret Burlesque Babylone. Le spectacle Cabaret Burlesque Babylone et la compagnie Vaudeville, excusez-moi. Et à l'instant, donc, on se disait que le burlesque correspond souvent, finalement, par rapport à l'idée qu'on s'en fait au burlesque, à la définition américaine du burlesque, à savoir des spectacles comme ceux de Dita Von Teese, ne serait-ce que pour nommer quels. Il y a aussi une tradition burlesque du comique qui vient justement d'Europe et principalement de France, qui tient donc au comique de situation beaucoup. Comment vous tracez votre chemin parmi les définitions différentes de ce terme-là dont vous vous revendiquez finalement ? Eh bien justement, on l'aborde dans le sujet, c'est-à-dire que avec ces deux courants, il y a le rétro, il y a le néo, et nous on a décidé avec le burlesque et Babylone de faire exactement ce qu'on veut. On s'en fout de toutes les conventions, on est des anarchistes du burlesque, des burlistes ou des anarchesques, ça dépend. Oui, ce que vous voulez. C'est une manière de s'épatouiller. C'est ça, exactement. C'est vraiment une envie de jouer sur le contraste, sur la rupture. Il y a un numéro dans le cabaret où l'esthétique est plutôt rétro, mais c'est sur du métal. Et voilà, ça c'est vraiment notre façon de concevoir notre burlesque. En fait, on détourne les codes, en fait. Oui. Moi, j'ai jamais aimé les cases, ce genre de choses. Donc, même quand je suis arrivée dans le burlesque, qui pourtant est assez libre, au final, on m'a dit « Oui, mais alors, faut enlever le gant comme ça, mais il faut faire ci, mais il y a le rétro, mais moi, je fais du rétro, toi, tu fais pas du néo. » J'ai dit « Mais moi, je m'en fous, je suis comédienne, j'ai envie d'aborder ce que je veux. Je suis feuilleuse burlesque, je viens de la scène d'arc, donc je suis performeur à la base. » Je me suis dit « Je vais pas me limiter, en fait. » C'est comme au début, dans Burlesque Babylone, on a des numéros, hein, on fait du striptease intégral. On va jusqu'au nu. Parce que on aime bien franchir les limites et explorer l'inconnu. Et de fait aussi de notre double formation, le fait d'être comédien, forcément, on intègre aussi beaucoup plus le jeu, le théâtre. On n'est pas juste dans de la danse. On fait pas que du visuel. Nous, on a un fond en fait derrière tout ça. C'est important. On parle. Ok. Et donc, tu disais à l'instant que tu n'aimes pas les cases. Oui. Comment tu fais quand tu joues au Scrabble? Oh. Ah, mais je ne joue pas au Scrabble. On joue aux échecs. S'il y a un jeu qui est rétro quand même, c'est bien ça. Non, alors donc tu précisais, vous allez jusqu'au nu, et ça c'est vrai que d'un côté, mon premier réflexe c'est de vous dire, ah bah d'accord, c'est un peu facile. Mais en fait, contrairement à d'autres spectacles où effectivement ça joue pas mal là-dessus, vous n'en faites pas état du tout dans la communication autour du spectacle, que ce soit sur votre Facebook, sur le Fly, sur le site du Off. J'ai rien vu de tout ça, tu viens de l'apprendre. Non, le spectacle, en plus, pour le coup, le spectacle sur Avignon, même s'il est assez provoquant, on a essayé donc de faire un peu pour tout le monde, quoi. Même si le spectacle est vraiment un crescendo, hein. Ça commence mignon, ça termine en apothéose. Je vous laisse voir le résultat ce soir. Et les autres soirs jusqu'au dimanche. Mais on explore en fait plein de choses différentes sur Paris. On peut travailler pour des entreprises et puis de l'autre côté aller en soirée goth ou faire des performances en soirée fétiche. On est très open. Parce que vous faites pas que burlesque Babylone, vous faites aussi des soirées privées, des animations. Exactement. On organise des soirées à thème, on fait des soirées networking à l'attention des professionnels du spectacle et à côté, on va faire des soirées assez érotique, mais tout en restant encore une fois dans l'équilibre. Dans le plaisir et la luxure. Sur le thème des maisons closes, par exemple. Ouais. Voilà. Un thème, oui, effectivement, très parisien pour le coup. Et Justement, je me demandais, vous êtes deux filles, donc vous pratiquez les feuillages burlesques. Oui. C'est un thème donc qui peut choquer une partie de votre public, mais qui est quand même de plus en plus connu du grand public, justement. Et je me demandais, il y a un gars qui est présenté comme maître des cérémonies. Est-ce que, bon, parité oblige, hein, même si les filles sont assez ouvertes pour apprécier le striptease d'une autre fille, est-ce qu'il y a quand même, ne serait-ce que pour les gays ou pour les filles elles-mêmes, le striptease d'un gars? Alors, je vais laisser Sylvain répondre. Mais oui, c'est the way the cookie crumble, c'est la cerise sur le gâteau. Ah. Eh oui, évidemment. C'est là où, quand les filles m'ont proposé de travailler avec elles sur ce cabaret, au début, le côté maître de cérémonie m'emballait beaucoup. Puis après, elles ont vu que j'étais un peu trop à l'aise en maître de cérémonie. Donc, tu vas te mettre au boulot, tu vas découvrir ça, ce que c'est le boylesque. Donc, j'ai commencé par dire non. Et puis après, je me suis laissé aller. Et j'ai vu que c'est très rigolo, en fait. C'est vraiment un sketch. C'est pas au sens striptease Vegas. Même si j'ai très envie d'aller à Vegas depuis. Mais là, on s'amuse, c'est un personnage qui va se mettre à nu dans la sensation qu'on veut. Est-ce que c'est l'humour? Est-ce que c'est l'émotion? Est-ce que c'est glauque? Donc du coup, j'essaye. Et j'aime bien faire rire et choquer. Mais c'est du boyless quand même très viril. Parce que par exemple, la plupart des boyless français qui sont connus sont effectivement très efféminés, se maquillent, mettent des nippies, des paillettes. Voilà, moi je chope tous les soirs. On est quand même dans je trouve, on singe la femme. Or, moi, quand on s'est dit on va intégrer un homme, c'était important pour nous d'avoir un homme viril qui s'effeuille de manière virile, qui soit un mec, quoi. Ah, c'est important. On singe la femme, t'es un peu dur quand même. Peut-être qu'on cherche simplement un résultat androgyne. Donc il s'agit de singer personne. Mais ça peut être intéressant justement dans le spectacle. Sylvain a un numéro d'effeuillage où il est dans la limite de l'androgynie, où il flirte avec ça. Pour autant, je trouve qu'on n'est pas dans les féminés, oui. On n'est pas dans la paillette, on n'est pas dans le. Moi, c'est ça ce que j'aime bien aussi. C'est des les codes aussi un peu mot, rétro. Hein. Voilà. C'est ça. Excellente. Donc le spectacle burlesque Babylone, le terme m'a intrigué, Babylone, donc on pense à la tour de Babel. Alors est-ce que c'est parce que vous, moi la conclusion que j'en ai tirée, à tort ou à raison, c'est que donc on pense à l'univers de Babylone qui était très cosmopolite et qui rassemblait beaucoup de choses différentes. Mm-hmm. Et là justement vous vous revendiquez autant de Josephine Baker, dont il a été question hier il n'y a pas longtemps dans les actualités, par l'influence du cirque, du cinéma de genre des années 90 jusqu'à Betty Page, quoi, donc cette fameuse spin-off des années 50. Donc à la fois dans le rétro, à la fois dans le néo, comme vous disiez tout à l'heure. En fait, quand on a choisi le nom de la troupe, Burlesque Babylone, donc on avait envie d'avoir vraiment le nom Burlesque pour s'affirmer autant au niveau du théâtre d'ailleurs que de l'effeuillage burlesque. Et pourquoi Babylone? Parce que ça représentait bien mon univers artistique, un peu strange, un peu dark. Et le premier spectacle, qui était éponyme, qui s'appelait donc Burlesque Babylone également, traitait de la mythologie. Donc c'était important d'avoir ce côté un peu mystique, puisqu'en fait, là sur Avignon, on n'a pas pu le développer, puisque quand on fait un spectacle d'une heure où on est à trois en burlesque, il y a énormément de changements de costumes. Vous vous rendez compte qu'il y a 11 tableaux, donc c'est très speed. Et on peut pas se permettre d'avoir des costumes extrêmement lourds et très fragiles, ce qui fait qu'on a dû faire un choix dans les numéros qu'on a pris. Mais on a des numéros avec des coiffes gigantesques. Claire a un numéro avec une robe de mariée tout en LED. Et ce qui fait qu'on a l'aide les petites diodes c'est les numéros qu'on présente. Et c'est des choses qu'on peut faire plutôt en événementiel ou qu'on va faire sur des revues à thème où on fait que deux numéros en une heure et demie. Mais donc là, comme c'est très physique, on a choisi des numéros qui sont quand même assez simples à enfiler, à mettre. Mais on a des numéros, voilà, avec des coiffes gigantesques et tout ça. Voilà, le Crazy Horse, mais en mieux. Et exactement. Crazy Burlesque. Allez, une question pour conclure. Tu parlais donc de cet attrait pour l'antiquité, pour les sujets un petit peu mystiques, en référence à la Tour de Babel. Si vous vous intéressez là encore à l'antiquité, peut-être qu'un jour vous envisagerez de faire la danse de Salomé et qui, pourquoi pas, de couper la tête de Sylvain. Ah, mais il y a déjà des numéros burlesques sur Salomé, donc il va, comme nous, on aime bien innover, ça va être compliqué, mais on le martyrise vachement sur scène. Oui, c'est le but du jeu. C'est notre souffre-douleur. Et c'est souvent agréable. Il aime voilà, ça. C'est ça, en plus. Eh bien, écoutez, merci d'être venu présenter votre spectacle. Donc, je le rappelle, c'est au Théâtre Le Lange à 22h15. Dans la rue des Teinturiers. Absolument. C'est pas difficile à trouver. Non. Exactement. De toute façon, on est là. Vous ne verrez que nous. Pour nous parader, oui. On vous êtes facile à repérer dans la rue. Oui, je vous ai tracté. Oui, on nous entend très bien. N'oubliez pas, 22h15. 15 rue des Tintilles. C'est jusqu'à samedi 26, c'est bien ça? Non, on fait le dimanche. Dimanche. On fait le dimanche. Oh, oui, sans relâche, on y va sans scrupule. Allez-y. Même pas peur. Allez-y. Bim. Allez, et je crois qu'il n'y a pas de jour de relâche de toute façon. Et non, enfin, non, on est des fous, on est des warriors. Ouais, voilà. On y va, ils vont finir le festival, ils vont être épuisés. Non, Avignon, plus jamais. On le verra sur les genoux. Allez. Yeah, rock and roll. Eh bien, écoutez, merci d'être venu parler de tout ça à l'antenne. Et moi, je vous propose une autre souffre-douleur, mais en l'occurrence, c'était la souffre-douleur du plus grand des vampires. C'était Lucie dans le fameux roman de Bram Stoker, dont on va écouter une mise en musique tout de suite avec le titre Lucy is Red. Again. le groupe Nosferatu avec le titre Lucy is Red. Vous savez, Lucy, celle qui se fait dévorer la première dans le roman de Bram Stoker, Dracula, donc avec un groupe qui s'appelle Nosferatu. Vous l'aurez deviné, on aborde maintenant dans cette deuxième moitié de l'émission L'Heure du Loup sur Osmose Radio. Les amis, vous nous rejoignez peut-être à l'instant. Et ce soir, eh bien, ce n'est pas une playlist rock et new wave et metal que je vous présente. C'est une exception, c'est une playlist, enfin une émission consacrée au Festival d'Avignon et au spectacle qui rejoignent un peu les thèmes qu'on a l'habitude d'aborder ensemble, mais en musique, et qui le font donc sur scène, qui montent sur les planches pour nous présenter tout ça. On a eu affaire en première partie d'émission à une compagnie de cabaret, donc qui abordait cet univers un peu burlesque, vintage, etc., de manière assez originale, très rock'n'roll. Et maintenant, on va aller vers des thèmes un petit peu plus sombres, comme le avec ce morceau de transition. On va parler du spectacle Dracula, le Pacte, mise en scène par David Tesser. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une création, ce spectacle. Cette année, c'est une création de la compagnie Le Cabestan. Voilà, c'est une compagnie qu'on a depuis maintenant une vingtaine d'années, qui est sur Avignon. Ah, quand même. Qui est un lieu, qui est le théâtre du Cabestan. Mmh. Et donc, la compagnie qui est associée à ce théâtre maintenant, œuvre depuis 20 ans à faire quelques créations, pas tous les ans, mais régulièrement en tous les cas. La seule fois où j'avais pris des cours de comédie, ben justement, c'était au Cabestan, c'était une quinzaine d'années. Honnêtement, j'ai pas continué et je crois que c'est mieux parce que sinon j'aurais été dans vos pattes, mon pauvre garçon. Par contre, ce qui peut induire les gens en erreur, alors je préfère le préciser tout de suite, c'est que vous êtes la compagnie du théâtre Le Cabestan, mais vous ne jouez pas au Cabestan, vous jouez au théâtre du Chien qui fume. Oui, ben là, pour des questions de taille, de plateau, de scène, c'est vrai que pour ce spectacle qui était assez gros, assez lourd, avec beaucoup de décors, de machinerie, j'avais besoin d'avoir une grosse hauteur, une grosse taille de plateau, quoi, tout simplement. Mais d'habitude, les créations, on les fait d'abord au Cabestan, puis ensuite, quand ça marche bien, on choisit des salles un peu plus grandes. Et là, d'entrée de jeu, je ne pouvais absolument pas faire la création au Cabestan, parce que, encore une fois, le plateau n'étant pas assez grand. D'accord. C'est vrai qu'un thème comme celui-ci peut amener des conditions de mise en scène un petit peu particulières par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur scène. Festival d'Avignon pas d'ailleurs, mais on aura l'occasion d'y revenir. Évidemment, personne n'a besoin qu'on définisse qui est Dracula. Néanmoins, je voudrais quand même aborder le pitch de votre pièce. Alors donc, ça se passe en Transylvanie en 1462. Le prince Vlad l'Empaleur, qui porte bien son nom, part combattre les Turcs au nom de Dieu. Il revient victorieux, mais sa bien-aimée s'est suicidée car elle le croyait mort. Fou de douleur, Vlad renie sa foi, il signe un pacte avec le diable et devient le comte Dracula. Désormais immortel, il jure de se venger de cette mort injuste et 4 siècles plus tard, il découvre le portrait de Mina Harker, dont la ressemblance avec sa bien-aimée ne peut être le fruit du hasard. Ta-ta-ta-ta. Et là, voilà, on est vraiment dans le truc, quoi. C'est une histoire qu'on a vue et revue 100 fois. Donc, elle a été adaptée par Murnau. Je parlais de Nosferatu tout à l'heure, qui doit être une inspiration d'ailleurs. Enfin, c'est le cinéma expressionniste en général et Murnau en particulier pour un metteur en scène de théâtre. Je pense, sans avoir peur de me tromper, que ça doit être une source d'inspiration de mise en scène. C'en est une, mais bizarrement, je suis plus du côté de celle de Coppola. Voilà, une version un peu plus, entre guillemets, romantique. C'est celle-ci qui m'a en tout cas le plus inspiré, cinématographiquement, esthétiquement. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des tas d'adaptations. Donc Coppola a signé l'une des plus impressionnantes de ces dernières années. Il y a eu, on pense aussi bien sûr à Christopher Lee, hein, ce bellâtre absolument magnifique des films de la Hammer des années 60, etc., etc. Et tout à l'heure, je disais oui. Les contraintes de mise en scène doivent être un petit peu particulières pour un sujet fantastique. Et je le dis à dessein parce que déjà le fantastique est pas souvent abordé, que ce soit en littérature, au cinéma, en France en tout cas, je parle pour la France, parce que c'est un genre un petit peu méprisé parfois par certains décideurs en tout cas. C'est pas forcément le cas pour tout le monde, donc pour les acteurs eux-mêmes ou pour les metteurs en scène, puisque vous-même vous y êtes collé et j'imagine que ce n'était pas sans difficulté. Mais au niveau de la mise en scène, je peux pas m'empêcher de me dire, alors même que je ne connais pas grand-chose à ce qui se passe en coulisses, aux difficultés de mise en scène, je peux pas m'empêcher de me dire, doit y avoir des contraintes techniques particulières, le travail sur la lumière, un minimum d'effets spéciaux, il faut un peu de sang synthétique, allez donc savoir, des maquillages, etc. Ça doit quand même être assez coton et voire assez coûteux, d'autant plus que tous les artistes avec lesquels j'ai eu l'occasion de communiquer depuis le début du festival nous disent qu'ils ont tous une mise en scène minimaliste. Et du coup, je me dis que pour vous, ben voilà, vous me parliez à l'instant de la taille du plateau qui comptait pour vous. Comment vous vous êtes débrouillé avec toutes ces contraintes-là? Oh, ça a été un petit peu difficile. C'est vrai, j'ai eu la chance d'être en résidence pendant toute l'année dans un théâtre juste à côté du Chien qui fume, qui s'appelle le Théâtre de l'Alysée. Et le fait d'être en résidence permanente m'a permis aussi de construire des décors sur place, les élaborer, voir comment ils pouvaient se monter, démonter, voir comment je pouvais élaborer toute la machinerie. Donc ça a été un luxe et un confort incroyable. On a eu d'ailleurs une petite résidence aussi d'une petite semaine au Chien qui fume en mars. Donc voilà, c'est ces conditions de travail optimales qui m'ont permis de pouvoir imaginer quelque chose qui soit à la hauteur de mes envies, mais qui puisse aussi rentrer dans le format Avignon qu'on connaît, à savoir des changements de plateau très très courts. Bon, on est nombreux, et puis moi j'ai toujours aimé les gros décors, donc j'ai toujours manié ce genre de choses et j'adore ça. En plus je les construis moi-même, je n'aime pas les faire construire. Le gars il a même pas peur, la prochaine étape c'est les corrigis d'orange. C'est ça, crème des gains. Donc voilà, donc c'est voilà, moi ça m'amusait assez d'utiliser la machinerie, de concevoir des grosses choses comme ça qui bougent, qui arrivent des cintres, qui descendent, qui montent, des fumigènes, plein de choses comme ça. Ben, je suis très entouré et puis on était assez nombreux aussi pour travailler sur ce projet. D'accord, donc une bonne équipe autour du metteur en scène. Donc pour la compagnie Le Cabestan, je parlais d'effets spéciaux. Très rudimentaire, mais franchement, quand on est dans le public, on s'en fout, ça marche toujours. Alors, on est un peu comme des gamins à certains égards. Est-ce que vous utilisez des chauves-souris en plastique, des araignées, machin comme ça? Alors, non, c'est une question un peu gamine, mais j'adore ça. Ouais, non, alors j'ai évité quand même les clichés. Il y a que 2-3 gousses d'ail, il y a un petit cercueil, des petites choses. Bon, je peux pas tout dire. Bien sûr qu'il y en a, il y a des choses comme ça. Il y a des, voilà, il y a toujours cette brume. Il y a de la vidéo qui aussi aide aussi énormément aussi, et apporte beaucoup aussi au mystère. L'éclairage aussi est très important. La scénographie qui est en évolution, des jeux de transparence à travers des tuiles. Voilà, j'ai essayé d'utiliser un peu tout ce que je connaissais en matière de mise en scène scénographique pour le mettre à profit dans ce spectacle. Et donc je me demandais, est-ce que vous utilisez des chauves-souris factices, etc. En fait, moi, je veux surtout pas avoir de problème avec l'SPA. Est-ce que des chauves-souris ont été maltraitées pendant ce spectacle? Non, je rassure l'SPA et tous les amis des animaux. Aucune chauve-souris n'a été blessée lors de tournage ou lors de répétition. Voilà donc, écoutez, un spectacle intéressant, une création à découvrir encore pendant une semaine au Festival d'Avignon. On entrera dans quelques détails supplémentaires à l'issue de cette pause musicale avec Immortalis Amor et le titre Unholy Kisses. À l'instant, le groupe Immortalis Amor, un petit groupe californien qui avait fait quelques morceaux sympas, mais qui n'a pas duré longtemps. Malheureusement, c'était le label de Cleopatra Records qui l'avait déniché sur une compilation. Et là, on vient d'écouter un titre, Unholy Kisses, donc des baisers un peu démoniaques pour continuer cette émission de l'heure du loup. Vous nous rejoignez, chers amis, sur Osmose Radio. Pour ces 10 dernières minutes qu'on va passer ensemble, on parle de Dracula, le pacte, une histoire de vampire qui est mise en scène par David Tesser, qui est avec nous dans le studio ce soir, et que vous pouvez voir jusqu'à la fin du Festival d'Avignon. Alors, on parlait à l'instant, tout à l'heure, vous évoquiez, David, le lien entre la mise en scène de Coppola, la manière dont il abordait le thème de Dracula, et votre propre mise en scène à vous. Qu'est-ce qui vous a plus influencé, finalement, dans la manière dont il a insisté sur le personnage, le Dracula amoureux, le Dracula un peu sauvage? Les deux, c'est la dualité de ces deux personnages. Il devient quand même vampire, il signe un pacte avec le diable, je pense qu'on va en discuter, simplement parce qu'il a trop aimé, quoi. Voilà, il a, par amour, en fait, il y a eu trop d'amour, et il est absolument pas récompensé de ça, bien au contraire, Dieu, du coup, lui fait un croche-patte, ce qui fait qu'il va passer du côté noir et obscur. C'est vrai que là, j'ai le dossier de presse sous les yeux, vous pouvez d'ailleurs voir l'affiche et les flyers dans tout Avignon ces temps-ci. C'est vrai on en parlait tout à l'heure, un travail sur les visuels qui est très important pour un thème comme celui-là, un thème fantastique. Et là, donc, sur l'affiche du spectacle, on a un œil stylisé. Alors là, Photoshop a fait des merveilles, bravo aux graphistes. Et donc, qui est absolument inquiétant, mais bravo, mademoiselle. Et qui nous met un petit peu dans l'ambiance, qui nous transperce à jour. Alors, si on sait que Bram Stoker, lui, l'auteur du roman original, avait plutôt influencé, depuis que c'était la société victorienne, sur le côté un peu, comment dire, érotique, décadent de ce qu'il y a de primitif et de sauvage dans ce personnage de Dracula, où le sang, parfois, fait figure d'autres fluides corporels que je ne nommerai pas dans les descriptions qu'il donne dans son roman. D'autres, donc notamment Coppola, se sont plus intéressés pas tant au côté sulfureux social du personnage, mais au côté amoureux, ce que vous faites aussi. Et sur cette ambivalence justement du personnage, vous insistez, notamment avec l'acteur Philippe Cariot, autant pour moi, qui incarne, comme d'ailleurs plusieurs autres acteurs, incarne différents personnages de cet univers. En ce qui le concerne, par exemple, il incarne à la fois Dracula et son némésis, j'ai envie de dire, Van Helsing, qui est le chasseur de vampires dans l'histoire. Oui, tout à fait. Après, l'idée, c'est il y a 12 ou 13 personnages, j'ai 4 comédiens, donc l'idée, c'est que tous les comédiens, on est dans le code théâtral, donc les comédiens jouent tous les personnages, peuvent jouer tous les personnages. En tous les cas, ce qui m'intéressait, c'est de pouvoir jouer aussi son opposé, quoi. La dualité qu'il y a dans chacun des personnages, et y compris aussi les dualités internes à chacun, c'est-à-dire que ce beau prince au départ qui aime, qui part pour la foi, qui aime sa femme, qui aime Dieu, etc., va passer très vite dans le côté obscur. Pareil, cette petite Mina qui est d'une fragilité, qui est d'une fraîcheur, etc., va rencontrer le loup, bien sûr, et va passer de l'autre côté. Et j'aime bien tous ces personnages là ont Van Helsing, qui est un type qui est un rock, sa vie, et il la passe à essayer de tuer ce vampire, c'est un peu la quête de sa vie. C'est le capitaine Ahab de Moby Dick qui ne bouge pas. Lui, à la fin, il va craquer aussi pour le sexe. Il a aussi commencé à découvrir le désir. C'est une découverte aussi d'essence pour chacun de ces personnages là. Et donc c'est presque le passage de l'adolescence à l'adulte. Enfin voilà, c'est assez initiatique, quoi, comme rapport. Et enfin, il y a une liberté qui a été prise par l'auteur de ce texte, donc, que vous avez mis en scène, qui s'appelle Jeanne Bézier, qui, par rapport à cette interprétation de l'univers de Dracula, l'univers originel de Bram Stoker, qui a tant et tant été adapté, notamment au cinéma, donc on parlait de Coppola à l'instant, qui a ajouté un personnage supplémentaire qui n'était pas dans l'histoire originale, c'est le Diable, qui est incarné sur scène par Fabien Duprat. Mm-hmm. Et alors là, moi, tout de suite, j'ai pensé à Faust. Ah bah oui, complètement. On est c'est la rencontre des deux, elle est très claire. C'est en même temps, pour arriver à dénigrer à ce point Dieu qui l'a trahi, pour arriver à devenir vampire, je pense qu'il y a forcément l'aide des forces obscures. Alors, les forces obscures, on pense avant tout au diable, quoi, bien sûr. Donc le petit diable, là, il est là, il se frotte les mains, il dit tiens, voilà une bonne âme à récupérer, et donc il signe, d'ailleurs, c'est le sous-titre du spectacle, ce pacte avec ce Vlad l'Empaleur, quoi. D'accord. Comme disait un autre auteur du 19e siècle, hein, la plus grande astuce du diable, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. En tout cas. Non, il est là, non seulement il est là, et il nous raconte un peu l'histoire, il est le lien, lui, c'est lui qui ouvre le quatrième mur, il nous raconte cette histoire. Non seulement il nous raconte l'histoire, mais en même temps il tire en même temps toutes les ficelles, c'est-à-dire qu'il la crée aussi. Il est un petit peu le chef d'orchestre de tout ça. Il a les pouvoirs d'arrêter le temps, de revenir en arrière, de nous expliquer, de passer d'une époque à une autre. Voilà, c'est le monsieur loyal, le metteur en scène, quoi, le maître de cérémonie du spectacle. Donc ça me permet de créer le lien entre toutes les scènes, et voilà, mais il se fait avoir à la fin. Enfin bon, je peux pas trop en parler. Ah oui, non, laissez-nous. Enfin, il y a un double suspense, justement. Tatatan, comme je disais tout à l'heure. Allez, bah écoutez, ce spectacle est une création, vous êtes une compagnie avignonnaise, pour le coup, et vous aviez fait une première représentation, je crois me souvenir, au mois de mars. Mm-hmm. Comment ça s'était passé pour ce premier jet C'était vraiment un premier jet, donc il y a énormément de techniques sur ce spectacle. Il y a de la vidéo, il y a de la lumière, il y a des musiques originales qui ont été créées par Thierry Garcia et Jean-Christophe Dumoitier, qui sont vraiment des musiques un peu, on a travaillé comme on travaillerait sur un clip ou un film, quoi. C'est-à-dire vraiment des musiques sélectionnées, choisies, timées. Donc ça a été un énorme travail de son aussi, des micros, de énormément de techniques, de la machinerie, comme je le disais tout à l'heure. Donc voilà, ça a été une première. C'était vraiment, on a lancé vraiment le projet, voir un peu, attendre un petit peu les retours, et en fonction des retours qu'on a eu, les bons, les mauvais, enfin, ou les moins bons, on a pas eu de mauvais retours, heureusement. En tous les cas, on a pris toutes ces remarques au sérieux, et on a retravaillé derrière pour affiner tout ça, et puis que ça rentre dans le format Avignon aussi, et que ça roule dès le 5 juillet, quoi. Et pour le moment, tout se passe bien, malgré les aléas du festival, le foot, la météo et les problèmes liés aux intermittents. On a de la chance pour l'instant, c'est bien, on s'en sort bien. Et puis, les programmateurs sont là, on a la presse est là et plutôt sympathique avec nous. Donc voilà, je pense que c'est une affaire qui va continuer, quoi. Eh bien écoutez, c'est tout ce que l'on vous souhaite. Pour ma part, je suis vraiment heureux qu'enfin il y ait un sujet un petit peu original, ce qui ne veut pas dire que les autres metteurs en scène, les 1200 spectacles du festival OFF, manquent d'idées, loin s'en faut, mais pourtant des fois c'est un peu du recyclé ou un peu toujours la même chose. Et donc là, un thème fantastique, c'est quand même assez gonflé, il fallait oser le faire, et moi je vous souhaite que ça marche. Merci. Je rappelle donc, c'est au Théâtre du Chien qui Fume. Merci David d'être venu nous présenter ce spectacle, Dracula le Pacte, tous les jours à 15h55. Alors si vous arrivez à 16h, c'est trop tard. Jusqu'à 16h, non, ils sont du tout un petit peu ça, de retard. 15h55, ça arrive pas. Et voilà. Et donc, juste avant ça, on recevait une compagnie de cabaret, le cabaret burlesque Babylone, au Théâtre de l'Ange à 22h15. Vous avez encore de quoi faire jusqu'à samedi 26, votre dernière représentation. 27. Ah, c'est le dimanche 27. Dimanche 27, fin de festival. Très bien. Vous allez jusqu'au bout, même pas peur. Eh bien, écoutez, chers amis, c'était l'heure du loup consacrée au théâtre ce soir à l'occasion du Festival d'Avignon. On revient. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une playlist beaucoup plus classique dans l'ordre de ce qu'on a l'habitude de faire. Et pour nous quitter, eh bien, le vampire est un personnage fatal, et moi je vous propose justement une femme fatale qui officiait dans le Berlin des années 30, le Berlin du cabaret. C'est la fameuse Marlene Dietrich avec ce titre Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt. Ah, je le dis bien, mais je le chante toujours bien moins qu'elle. Ça signifie je suis faite pour l'amour de la tête aux pieds, un petit peu comme les vampires, un petit peu comme les danseuses de cabaret, un petit peu comme toi, camarade auditeur, derrière ton poste, que je remercie d'avoir écouté. Je te souhaite une bonne fin de festival. On se quitte avec la sublime, la merveilleuse, la divine, la vampiresque Marlene Dietrich, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, et restez sur Osmose Radio. In den Augen immer bei einer schönen Frau, doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht. Männer umschwirren mich wie Motten um das Licht, und wenn sie verbrennen, ja dafür kann ich nicht. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt,